Bonjour mesdames et messieurs auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce vendredi dont voici les grands titres. Suspension de leur fonction de deux administrateurs communaux de Kirimba en province Ngozi et Mutambo de la province Bujumbura. L'un est accusé de détournement des fonds des coopératives collinaires et l'autre vente illégale et irrégulière des biens communaux. Les bouchers de la province Kirundo s'inquiètent sur la probable perte occasionnée par le coût supplémentaire dû à la mise en quarantaine des bêtes avant leur abattage. Et des enfants nés des parents victimes des maladies mentales en province Cibitoke ont besoin d'une assistance. Voilà pour l'essentiel. Vestine Boutouzi à la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Séraphine Akiziman. Rebonjour, Niongabo Jean-Pierre Sebigo Pascal, administrateur communal respectif des communes Mutambo de la province Bujumbura et Kirimba en province Ngozi, sont suspendus de leurs fonctions par le ministère de l'Intérieur depuis ce jeudi le 28 juillet. Selon l'ordonnance ministérielle, l'administrateur communal de Mutambo, Niongabo Jean-Pierre, est accusé d'une mauvaise gestion du patrimoine communal, illustré par le détournement des fonds destinés à l'appui des coopératives collinaires, et celui de la commune Kirimba Sebigo Pascal est à son tour accusé d'abus du pouvoir et de manque d'éthique en matière de gestion des patrimoines communaux, surtout par le non-respect des règles de procédure dans la passation des marchés publics, par la vente illégale et irrégulière des biens communaux. La réunion du conseil communal de Kirimba en province Ngozi, qui avait comme objectif l'élection d'un nouveau président du conseil communal en remplacement de celui qui a dernièrement démissionné, n'a pas eu lieu suite au quorum de 35 conseillers non atteints. 24 seulement sur 52 conseillers communaux se sont présentés. Parmi les absents, des membres du parti CNL et même ceux du parti CNDD-FDD au pouvoir, dont l'administrateur communal Sebigo Pascal et qui vient d'être destitué. La population de la commune de Kirimba est divisée en deux blocs, dès le conseil jusqu'à la colline. Et le détail avec Apollinaire Mozagara. Ce conseil communal de Kirimba est composé de 52 membres, 32 du CNDD-FDD et 20 du parti CNL. Pour tenir une réunion de ce conseil communal, la présence de 35 conseillers, donc deux tiers des membres de ce conseil, est obligatoire d'après la loi communale. Cette réunion, invitée par Capitoline Daichimie, vice-président du conseil pour remplacer Jérémy Chimidimahana, président démissionnaire, n'a pas eu lieu finalement. Seuls 24 conseillers ont répondu présents, 23 du parti au pouvoir et un seul du parti CNL qui dit ne pas être informé du boycott de cette réunion par ses pairs. À part 19 conseillers communaux du parti CNL absents, dont le président de son parti, Agathon Rwasa, 9 autres du parti au pouvoir CNDD-FDD, dont Sebigo Pascal, administrateur qui vient d'être limogé, se sont aussi absentes. La population de la commune Kirimba est depuis pas mal de temps divisée en deux blocs, dès le conseil communal jusqu'à la colline, les uns derrière l'administrateur destitué, d'autres derrière le président du conseil communal démissionnaire. De Kirimba en province Ngozi, Apollinaire Mozagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Mozagara. Le Burundi pourra désormais entrer en contact direct avec les États-Unis d'Amérique pour bénéficier des aides en désavantage du pays classé au niveau 2 complet par le département des États-Unis d'Amérique, le niveau des pays qui font des efforts remarquables dans le respect des droits humains. Déclaration du colonel Epitas Masumbuko, président de la commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes lors de la célébration de cette journée ce jeudi organisée par l'Organisation mondiale des migrations au Burundi. On l'écoute. Il y a un département des États-Unis d'Amérique qui organise une évaluation des États partis chaque année. Avec la mise en place de la commission dont il est question aujourd'hui, la commission sur la prévention et la répression de la traite des personnes, on a encore réalisé des progrès. Et maintenant, nous venons d'être classés au niveau 2, full level, c'est-à-dire que le niveau ouvre les possibilités du pays d'entrer en contact direct dans le sens de discuter les aides avec les États-Unis d'Amérique, que ce soit des aides dans des domaines variés. Donc cette fois-ci, on peut avoir des aides directes via la coopération bilatérale grâce au niveau sur la lutte contre la traite des personnes que le Burundi vient de franchir. Quelles sont vos propositions pour que justement le Burundi puisse atteindre le niveau élevé? Par rapport à la lutte contre la traite des êtres humains, le premier pilier se focalise sur la prévention. Et dans la prévention, on note les efforts qui doivent aller dans le sens de la sensibilisation et aussi dans le sens de lutte contre les causes profondes de la traite des personnes. Il y a le deuxième pilier au niveau de la protection, c'est là où on trouve les investigations, la poursuite. Nous avons aussi un autre pilier qui est du partenariat. On doit aligner toutes les forces vives de la nation, on doit aligner tous nos partenaires, que ce soit des organisations internationales, que ce soit des organisations de la société civile, pour qu'on puisse conjuguer les efforts dans la lutte contre la traite des personnes. Colonel Peter Simasumboko, président de la commission de concertation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des personnes, était au micro d'Ornella Mucho. Et plus de 4 milliards de francs burundais provenant de la vente de différents minerais ont été enregistrés durant cette année, annoncé du ministre de l'Énergie et Mines ce vendredi lors de la présentation des réalisations annuelles. Le ministre Ibrahim Ouizéa a en outre révélé que le code minier va bientôt être réanalysé en conseil des ministres. Suivez-le au micro de Mireille. La révision des textes régissant le secteur minier et carrier au Burundi. Le projet de code minier analysé au Conseil des ministres et les recommandations ont été intégrées dans le document et bientôt sera retourné au Conseil des ministres. La politique minière adoptée par le Conseil des ministres. Il y a aussi enregistrement des autorisations. 459 ordonnances enregistrées pour les carrières, la formalisation et encadrement des activités du secteur minier et carrier, traçabilité des minerais, 591 412,355 kg de minerais de 3T étiquetés, 543,925 kg de minerais exportés, surtout les minerais de 3T. Il y a aussi les 39 certificats de CIRGR délivrés. Évaluation des sites d'exploitation des minerais et des carrières. Il y a 224 sites qui ont été évalués. Comme enregistrement des recettes, nous avons 4,604,341,608 francs qui ont été donc enregistrés comme recettes. Il y a aussi 45 sites inspectés et 6 sites audités. Vous ratez l'essentiel. Il est 13h passé de 2 minutes au studio de la radio Isanganiro. Le journal est continu. Plus de 12 000 orphelins et d'autres enfants vulnérables de la province de Burundi sont assistés en kit scolaire d'une valeur de plus de 100 millions de francs burundais. Une somme d'argent en provenance des membres de plus de 400 groupements encadrés par la FVS Amis des enfants lors de la distribution de ce matériel scolaire ce jeudi. Colonel Leonidas Bandezama, ce gouverneur de la province de Burundi, appelle la population à adhérer et à doter les associations et vraiment pour l'intérêt de cette catégorie d'enfants et aux coopératives pour l'autodéveloppement. Zenon Zambiman. Ce kit scolaire composé d'uniformes, de cahiers, de stylos et d'autres nécessaires pour un élève d'une valeur de plus de 100 millions de francs burundais est en cours de distribution à plus de 12 000 orphelins et autres enfants vulnérables de la province de Burundi par plus de 13 000 membres de 454 groupements, selon Edouard Nyungeko, coordonnateur provincial de l'antenne de la FVS Amis des enfants qui assure l'encadrement de ces associations. Edouard Nyungeko nous parle ici de la procédure dont ces groupements procèdent pour arriver à l'achat du matériel scolaire pour ses enfants. Les groupes de solidarité sont basés avant tout sur l'épargne au crédit. Alors, ils achètent des actions. Acheter des actions signifie qu'ils vont utiliser ce petit crédit pour réaliser son petit projet et il devra, chaque membre qui a pris un petit crédit devra rembourser avec un peu d'intérêt. Et à côté de l'achat des actions, il cotise régulièrement 200 francs burundais pour chaque membre et pour chaque semaine. Et ces 200 francs vont contribuer à alimenter les caisses pour enfants vulnérables. C'est ces caisses qui seront utilisées pour acheter son matériel scolaire, ses habits, payer le minerval, 10 mois pour couvrir presque tous les besoins des enfants vulnérables. Le gouverneur de la province de Bururi, qui procédait ce jeudi au lancement de la campagne de distribution en commune de Bururi, se dit très satisfait des réalisations de ces associations. Colonel Ndas Mandezamaso appelle toute la population de la province de Bururi à adhérer à de telles associations œuvrant en faveur de ses enfants et aux coopératives pour l'autodéveloppement. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zeno Nzambimana. Des barrières non tarifaires s'observent sur la route Bujumbura Makamba jusqu'à la frontière Bondo tanzanienne. Sur certaines de ces barrières, on y trouve des agents de sécurité et sur d'autres, ce sont des percepteurs des taxes communales. Ces usagers de cette route déplorent que ces barrières allongent le temps de voyage et des ponts de vent qui en découlent. Le point avec Moïse Misago. Dans les bus de transport empruntant cette piste, des passagers s'assaient à 4 ou à 5. À quelques kilomètres de la capitale économique Bujumbura, des agents de sécurité routière arrêtent les bus pour le contrôle des documents. Des fois, des rabatteurs sortent de leur véhicule. Ils passent un temps à huis clos avec un agent de sécurité et le voyage continue. La même situation se répète à la quasi-totalité des barrières. Les conducteurs se lamentent que des fois, ils passent beaucoup de temps à ces barrières. Sur les barrières communales, le véhicule paie entre 1 000 francs et 2 000 francs comme taxe communale. Hors micro, des chauffeurs affirment que des sommes d'argent sont versées tantôt par des rabatteurs, tantôt par des chauffeurs pour continuer le trajet sans tarder. À cela s'ajoute l'état défectueux de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge en cours de réhabilitation. Celle-ci compte plus de 200 dos d'âne, estiment les usagers. La route Mutambara-Nyanzalac, également en cours de réhabilitation, ne facilite pas le trajet. À quelques kilomètres de la frontière burundo-tanzanienne à Mugina, certains des rabatteurs demandent des documents de voyage aux passagers assis et dont les documents sont en ordre. Ils leur obligent d'y insérer chacun une somme de 10 000 francs et ne pas montrer à la frontière la carte de vaccination contre la fièvre jaune. Parlons toujours du transport où les prix de transport ont augmenté en province de Bubanza. Certains passagers préfèrent reporter les déplacements qu'ils avaient prévus. Les autres sont en conflit permanent avec les chauffeurs au moment du paiement. Les chauffeurs expliquent que c'est suite à la pénurie du carburant. Les détails avec Space Caritas Kavanyan. Il y a presque une semaine que les prix de transport ont grimpé dans cette province de Bubanza à des niveaux différents. Un véhicule de type Probox qui va de Bujumbura à Bubanza fait payer actuellement 6 000 francs à 7 000 francs burundais par passager, alors que le prix reconnu est de 4 000 francs à 4 500 francs. Et visiblement, il y a très peu de véhicules qui assurent le transport actuellement. Les chauffeurs contactés expliquent que certains ont préféré les garder à la maison car ils n'ont pas de carburant. Du marché de Moussegni à Bubanza, un passager doit payer actuellement 3 000 francs, alors qu'auparavant c'était 1 500 à 2 000 francs. De Randa à Bubanza, un passager doit payer 2 000 francs, alors que le prix reconnu est de 1 000 francs. Comme nous l'avons constaté, beaucoup de passagers sur la RN9, la route Bujumbura-Bubanza, préféraient reporter les déplacements et retourner à la maison puisqu'ils n'avaient pas de tickets suffisants ce matin. D'autres, par contre, se chamaillaient avec les chauffeurs. C'est au moment où les autorités administratives demandent aux transporteurs de respecter les prix fixés par l'État. Space Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci, Space Caritas Kavanyana, et excusez-nous de la voix de notre correspondante suite à son état de santé. Et plus d'une centaine de personnes ont été testées positives à la COVID-19 depuis le début de ce mois dans le district sanitaire de Bumba en province de Kirundo. Bilan fourni ce jeudi par le gouverneur de Kirundo, Albert Atungimana, lors d'une réunion de la campagne de sensibilisation sur des stratégies d'abattage des bovins. À partir de la semaine prochaine, ici, les bouchers ont soulevé des inquiétudes. Ils pensent qu'ils vont travailler en perdant suite à la prise en charge des animaux pendant une semaine de quarantaine avant leur abattage. Abraham Safari. Dans cette réunion tenue ce jeudi par le gouverneur de Kirundo, Albert Atungimana, l'objectif était d'amorcer la campagne de vaccination contre la maladie du Rift Valley pour les gros et petits bétails. C'était aussi l'occasion d'analyser ensemble avec les vendeurs de viande ou ceux qui font l'abattage de ces animaux domestiques, comment ils vont le faire dans le strict respect de la loi. comment la population va bientôt commencer à consommer de la viande. Ici, le gouverneur de Kirundo a précisé que personne n'est autorisé à abattre son animal à la maison, même si ce dernier lui appartient. Les commerçants des animaux ainsi que ceux qui font la vente de viande doivent rassembler les vaches, les chèvres ou les moutons dans les lieux choisis appelés quarantaine pour y passer une semaine afin d'analyser s'il n'y aurait pas l'un ou l'autre animal qui est malade. Ici, les vendeurs de viande ont soulevé des inquiétudes comme quoi ils vont travailler en perdant, surtout qu'ils vont eux-mêmes prendre en charge ces animaux en quarantaine durant toute une semaine. Le gouverneur de Kirundo a réagi à cette question en disant qu'il est strictement interdit de revoir la hausse du prix de la viande suite à ces mesures. Cette autorité a profité également de l'occasion pour annoncer que la COVID-19 est apparue encore à Kirundo. Le district sanitaire de Vumbi enregistre lui seul plus d'une centaine de cas positifs dans ce mois-ci. Le district qui est fait des communes de Nega et Vumbi. Le gouverneur a demandé à l'administration et le personnel de santé de collaborer ensemble pour éradiquer cette maladie et éviter sa propagation. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Et la stigmatisation sociale et l'abandon scolaire suite à la pauvreté sont des conséquences que subissent les enfants de la province de Cibitoke, nés des parents victimes et des maladies mentales. La psychologue Estella Kadohaye éclaire que les enfants issus de ces parents sont affectés psychologiquement par cette situation. Elle exhorte la société à la consolation de ces enfants. Mireille Kanyang. Certains enfants de la commune Rugombo en province de Cibitoke qui ont des parents qui souffrent des troubles mentaux précisent qu'ils subissent des stigmatisations sociales comme l'indique Yvette Nigarura. Elle ajoute que même les garçons ont peur de se marier à des filles dont les mamans souffrent ou ont souffert des troubles mentaux. La psychologue Estella Iyakadouraye indique que les enfants qui ont des parents victimes des troubles mentaux sont affectés psychologiquement par cette situation. Pour les cas des enfants issus des parents malades mentaux, donc les enfants sont affectés parce qu'ils ne se sentent pas bien équilibrés comme les enfants d'autres parents qui sont bien portants. Les enfants qui ont des parents des malades mentaux ne se sentent pas bien à l'aise de penser que c'est mon père, c'est ma mère, alors qu'il est malade mental ou qu'elle est malade mentale. Cela l'éloigne de son parent qui normalement devrait s'approcher d'eux. Donc s'il y a une contradiction mentale de l'enfant, d'abord, parce que d'un côté, c'est son parent, il doit s'approcher, ils doivent s'aimer. D'un autre côté, c'est un malade mental, il faut s'éloigner. Donc, il y a une contradiction dans la mémoire de l'enfant qui l'empêche de bien penser, d'avoir une bonne santé mentale. Et pour cela, quelquefois, les enfants ne sentent pas fiers de leurs parents malades mentaux, s'éloignent, refusent, dénigrent. Ça les affecte parce qu'il y a quelque chose, un lien parental, que l'enfant brise par contrainte, je dirais, de cette maladie, alors qu'il devrait s'approcher de son parent. Elle exhorte ses enfants à ne pas s'éloigner de leurs parents en situation de troubles mentaux. Comme suggestion, je dirais que l'enfant qui accompagne le parent se sent, essaie d'avoir une compréhension de cette maladie de son père ou de sa mère, s'approche, essaie de mettre à l'aise son parent biologique pour que le parent malade mental puisse se rétablir. Même un malade mental a besoin d'avoir une compassion. Ça diminue, je dirais, la maladie, ça n'aggrave pas. Les enfants doivent essayer d'avoir une compréhension que c'est bel et bien son parent, même s'il est dans cet état, et aussi essayer de l'accompagner pour une bonne guérison. La psychologue Estella Iyakadouraye demande également à la société de soutenir moralement les enfants qui ont des parents souffrant des troubles mentaux. Merci Mireille Kanyang. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée, mais permettez-moi de rappeler les principaux titres. Suspension de leur fonction de deux administrateurs communaux de Kirimba en province Ngozi et Mutambo de la province de Bujumbura. L'un est accusé de détournement des fonds des coopératives collinaires et l'autre est vente illégale et irrégulière des biens communaux. Les bouchers de la province Kirundo s'inquiètent sur la probable perte occasionnée par le coût supplémentaire dû à la mise en quarantaine des bêtes avant leur abattage. Et des enfants nés des parents victimes des maladies mentales en province de Cibitoke ont besoin d'une consolation. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine et à Kizimana pour la parfaite collaboration. Vestine Boutou, j'étais à la présentation. Au revoir, bon après-midi.